4. Un plaisant. C'était l'explosion du nouvel an. Chaos de boue et de neige, traversée des mille carrosses, étincelant de joujoux et de bonbons, grouillant de cupidité et de désespoir, délire officiel d'une grande ville, fait pour troubler le cerveau du solitaire le plus fort. Au milieu de ce tohu-bohu et de ce vacarme, un âne trottait vivement, harcelé par un malotru armé d'un fouet. Comme l'âne allait tourner l'angle d'un trottoir, un bon monsieur ganté, verni, cruellement cravaté et emprisonné dans des habits tout neufs, s'inclina cérémonieusement devant l'humble bête et lui dit, en ôtant son chapeau, « Je vous la souhaite bonne et heureuse. » Puis se retourna vers je ne sais quel camarade avec un air de fatuité, comme pour les prier d'ajouter leur approbation à son contentement. L'âne ne vit pas ce beau plaisant et continua de courir avec zèle où l'appelait son devoir. Pour moi, je fus pris subitement d'une incommensurable rage contre ce magnifique imbécile qui me parut concentrer en lui tout l'esprit de la France.